Écoute, le musée des horreurs. Vous allez écouter avec attention les phrases suivantes. Je viens d'acheter une villa au bord de la mer et j'aimerais bien acheter quelques tableaux, mais je ne sais pas lesquels. Téléphone à Hélène. Elle est artiste jusqu'au bout des ongles. Elle saura te conseiller. Ton frère pourrait t'aider à faire les courses. Mon frère? Il est passé maître dans l'art de ne rien faire. Tu as invité Isabelle, cette poseuse? Mais tu sais très bien que je ne peux pas la voir en peinture, celle-là. Et pour achever le tableau, tu as invité aussi son nouveau fiancé. Mais ce sera le musée des horreurs chez toi ce soir. Ne demande pas à Marie de t'aider. Pourquoi? Elle a beaucoup de travail? Le contraire. Elle est passée maître dans l'art de ne rien faire. Alain transformera cet appartement horrible en un appartement de rêve. Il est artiste jusqu'au bout des ongles, tu sais. Quelle journée! Je dois faire le ménage, repasser, faire la cuisine, téléphoner à Jean, faire les courses pour ma voisine qui est malade, et pour achever le tableau, j'ai terriblement mal à la tête. Il n'est absolument pas question que Jean nous accompagne au cinéma. Tu sais très bien que je ne peux pas le voir en peinture. Conversation. Je serai le meilleur. J'aimerais tellement être un artiste. Avoir un atelier sur les toits de Paris, peindre jour et nuit. Et avoir froid, et avoir faim. Évidemment, ma vie ne serait pas facile tous les jours. Mais je me réveillerais tous les matins avec l'envie de conquérir le monde, de peindre un chef-d'œuvre et d'être finalement reconnu. Parce que tu es certain qu'on reconnaîtrait ton talent? Bien sûr. On découvre toujours les génies. Oui, mais parfois cela arrive après leur mort, après une vie de souffrance et de douleur. Parfois oui, parfois non. Moi, je deviendrai célèbre très rapidement. Et pour quelle raison? Parce que je serai le meilleur. Parce que j'inventerai un nouveau style, une nouvelle école, une nouvelle manière de peindre et de considérer l'art. Ça, c'est le moyen le plus sûr pour rester dans l'ombre toute ta vie. Rappelle-toi Van Gogh. Justement, après Van Gogh, les critiques sont plus prudents quand ils doivent émettre un jugement sur un nouvel artiste. Tu crois que Van Gogh leur a servi de leçon? J'en suis persuadé. Tu rêves. Et pourquoi voudrais-tu devenir peintre et pas sculpteur ou musicien ou écrivain? Pour l'atelier sur les toits de Paris? Comment? Oui, pour le côté romantique de ce genre de vie? Absolument pas. Alors, pourquoi? Parce que la peinture, parce que les couleurs, c'est la vie, c'est ma vie. Ah, alors tu peins? Tu peins vraiment? Oui. Je comprends. Et tu vends tes toiles? Ici, en province. Les gens ne comprennent pas l'art. À Paris, au contraire. Tout le monde comprend et apprécie les artistes. Exactement. Pourquoi? Tu en doutes? Non, je voudrais seulement que tu essaies, que tu loues un atelier, que tu y travailles quelques années et que tu me téléphones. D'accord. En Paris? Quoi? Que tu ne résistes que quelques mois. Et si je réussis à me faire connaître, à devenir célèbre et riche? Si tu réussis, je mange un de tes tableaux. Mais si j'ai raison, c'est toi qui le manges. J'aimerais tellement être un artiste, avoir un atelier sur les toits de Paris, peindre jour et nuit. Et avoir froid, et avoir faim. Évidemment, ma vie ne serait pas facile tous les jours. Mais je me réveillerai tous les matins avec l'envie de conquérir le monde, de peindre un chef-d'œuvre et d'être finalement reconnu. Parce que tu es certain qu'on reconnaîtrait ton talent? Bien sûr, on découvre toujours les génies. Oui, mais parfois cela arrive après leur mort, après une vie de souffrance et de douleur. Parfois oui, parfois non. Moi, je deviendrai célèbre très rapidement. Et pour quelle raison? Parce que je serai le meilleur. Parce que j'inventerai un nouveau style, une nouvelle école, une nouvelle manière de peindre et de considérer l'art. Ça, c'est le moyen le plus sûr pour rester dans l'ombre toute ta vie. Rappelle-toi Van Gogh. Justement, après Van Gogh, les critiques sont plus prudents quand ils doivent émettre un jugement sur un nouvel artiste. Tu crois que Van Gogh leur a servi de leçon? J'en suis persuadé. Tu rêves? Et pourquoi voudrais-tu devenir peintre et pas sculpteur ou musicien ou écrivain? Pour l'atelier sur les toits de Paris? Comment? Oui, pour le côté romantique de ce genre de vie? Absolument pas. Alors, pourquoi? Parce que la peinture, parce que les couleurs, c'est la vie,

le plomb dans la tête. Vous allez écouter et répéter quelques phrases sur l'artisanat. Pour moi, il n'y a pas une grande différence entre l'art et l'artisanat. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'il y a quand même une belle différence. Une différence de prix considérable entre un objet d'art et un objet artisanal. Il faut absolument que je demande l'assistance d'un plombier. Je n'arriverai jamais à réparer ce robinet toute seule. Mais les artisans ne travaillent pas le dimanche. Ça va être difficile de trouver quelqu'un de disponible. L'installation électrique de cet appartement est un vrai désastre. Et en plus, l'humidité a détérioré le compteur. Quel est l'artisan qui est responsable de ce travail? Moi? Quel est l'artisan qui a fait ce beau travail de plomberie? C'est mon voisin. Il est plombier depuis plus de 20 ans. Donne-moi son numéro de téléphone. J'ai besoin de ses services pour ma maison de campagne. Écoute, ce soir, j'ai un sommeil de plomb. Je donnerai un coup d'œil à l'installation électrique demain matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je suis en train de démonter ce vieux magnétophone. Mais tu n'as pas de plomb dans la tête, toi. Débranche l'appareil tout de suite, si tu ne veux pas recevoir une décharge électrique. J'écouterai quiconque voudra me parler de l'artisanat. J'ai dit de l'artisanat, du vrai, pas du bricolage. Il répond la même chose à quiconque lui demande des nouvelles. Je suis prêt à l'affirmer devant quiconque. Prise de parole. Je te fausse compagnie. Voici maintenant quelques phrases sur le travail de quelques artisans. Vous allez donc les écouter et vous les répéterez lentement. Oh mon Dieu, regarde mes chaussures! Regarde là le trou dans la semelle! Il faut que tu ailles chez un cordonnier le plus vite possible. Sinon, le trou va s'élargir et il n'y aura plus rien à faire. J'ai acheté cette paire de chaussures il y a 3 mois et je dois déjà les porter chez le cordonnier pour qu'il les ressemelle. Tu te rends compte? Et pourtant, ce sont des semelles de cuir. Elles n'auraient jamais dû se détériorer si vite. Ah, je vois. Vos semelles, elles sont en corde? Oui. Alors, il fallait éviter de marcher dans l'eau avec ses chaussures. Il n'y a rien à faire maintenant. Il faut en acheter une autre paire. Regarde mes nouvelles chaussures. C'est du caoutchouc? Oui, ce sont des chaussures pour la pluie. Elles sont belles, n'est-ce pas? Tu ne peux pas discuter avec Paul. Quand il a pris une décision, il n'y a rien à faire. Il ne recule jamais d'une semelle, même s'il comprend qu'il a tort. Tu veux chercher le numéro de téléphone d'un serrurier dans l'annuaire téléphonique, s'il te plaît? Oui. Tu as un problème avec une serrure? Je viens de fausser la clé de la porte d'entrée. Un voleur a crocheté la serrure de la porte. C'est un texte très difficile. Il ne faut pas en fausser le sens. Attention. C'est la 3e fois que tu me fausses compagnie quand je fais la queue à la caisse. Tu es vraiment insupportable. Il n'est pas question que tu reçoives tes amis tous les soirs. Je suis très fatiguée, moi, après une journée de travail. J'ai besoin de me reposer. Il faut absolument que nous recevions mon patron à dîner un jour ou l'autre. C'est très important pour ma carrière. Prise de parole. Soit l'une, soit l'autre. Vous allez répéter quelques phrases sur l'artisanat d'art. Certains artisans sont de véritables artistes. On parle d'ailleurs de l'artisanat d'art. Les verriers, par exemple, sont de grands artistes. Et ils ont aussi leurs secrets de fabrication. Et quelle différence y a-t-il entre un verrier et un vitrier? Le verrier fabrique le verre, les vitraux, et il travaille dans une cristallerie. Ou bien il fabrique les miroirs, et dans ce cas, il travaille dans une miroiterie. Un vitrier, par contre, c'est quelqu'un qui remplace les vitres d'une fenêtre quand elles sont cassées. Alors, le vitrail de cette église est l'œuvre d'un verrier? C'est ça. Tu sais, mon grand-père était forgeron. C'est lui qui a forgé les grilles que tu vois. Oui? J'adore les objets en fer forgé. Tu as beaucoup d'objets en céramique chez toi. Oui, mon beau-frère est céramiste. Et tous les vases et les bibelots que tu vois, c'est lui qui les a faits. C'est un grand artiste. Cette vaisselle est magnifique. C'est de la porcelaine? Non, de la faïence. Vous êtes ébéniste, n'est-ce pas? Oui, le bois, c'est ma passion. Et vous travaillez avec quel genre de bois? Ça dépend. J'aime beaucoup le palissandre. L'acajou aussi est un très beau bois. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Cette table en acajou ou celle-là en ébène. Soit l'une, soit l'autre. C'est mon cadeau de mariage. Vous ne faites que des bibelots en porcelaine? Tantôt en porcelaine, tantôt en faïence. Ça dépend. Pardon, monsieur, cette chaise, elle est en acajou ou en ébène? Elle est en palissandre, madame, en palissandre. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est un chef-d'œuvre. Prise de parole. Un escroc, moi? Voici quelques phrases à propos de certains faussaires. Tu crois que c'est par appât du gain que cet artisan fait des contrefaçons? Par appât du gain, certainement, mais aussi par goût du risque. Parce qu'il y a bien d'autres moyens pour s'enrichir sans enfreindre les lois. Tu as fait croire à un de tes clients que ce guéridon et ce coffre étaient antiques? Oui, j'ai réussi à les patiner et il m'a cru. Mais tu es un escroc! Un escroc, moi? Pas du tout. Mon client a été très heureux de les acheter et moi de les vendre. Je n'ai fait de mal à personne, tu vois. Tu as lu les journaux? Pas encore, pourquoi? Notre voisin avait installé une imprimerie clandestine dans sa cave. Et il imprimait de faux billets? Moi, je trouve ça fantastique, comme dans les films. Il faisait de la fausse monnaie et aussi de faux papiers. Ce filou fera fortune, à moins qu'il ne soit démasqué. On ne le démasquera que si tu le dénonces. Et au cas où tu le dénoncerais, tu serais alors un délateur et tu serais donc pire qu'un filou. À toi de choisir. Fais attention avec ce personnage. Selon que tu seras de son avis ou non, il t'estimera ou te méprisera. Et suivant qu'il t'estime ou qu'il te méprise, tu feras carrière ou non dans son entreprise. À supposer que l'expertise réussisse à prouver qu'il y a eu contrefaçon, ce faussaire finira en prison. Cet escroc aura de sérieux problèmes avec la justice pourvu qu'on réussisse à obtenir l'expertise de ses objets. En admettant que ce guéridon soit expertisé et à condition que l'expertise révèle la contrefaçon, alors les beaux jours de ce filou sont terminés. Pour peu que je sache encore reconnaître un meuble de style d'une vulgaire contrefaçon, vous êtes un escroc, monsieur. Soit qu'il pleuve, soit qu'il fasse beau temps, j'ai bien l'intention d'aller rendre visite à ce filou qui m'a vendu ce guéridon. Écoute. Qu'est-ce que tu fabriques? Voici maintenant quelques phrases construites autour de quelques expressions imagées. Vous allez donc les écouter avec attention. Qui est l'artisan de cette grève? J'attends que le responsable se présente dans mon bureau avant 5 heures, sinon je licencie tout le monde. Le prétexte que tu as forgé pour t'excuser n'a convaincu personne, alors je te demande encore une fois la raison de tous tes retards. Tu viens d'être opéré et tu veux reprendre le travail la semaine prochaine? Oui, mais je répare toujours mes forces très vite. Il n'y a aucun problème. Cela fait plus d'une heure que je t'attends. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Je ne trouve plus mes lunettes. J'ai dû les oublier chez Pierre. Comment veux-tu que je trouve le temps de te téléphoner du bureau? Mon patron ne me quitte pas d'une semelle, je ne peux rien faire. Il a du talent, ton fils. Il est de la pâte dont on fait les champions. N'essaye pas de forger une excuse cette fois. Et dis-moi tout de suite la vérité. C'est toi l'artisan de cette odieuse propagande contre les travailleurs immigrés? Qu'est-ce que tu fabriquais hier soir vers 8 heures? Je regardais la télévision, pourquoi? Menteur, je t'ai téléphoné plusieurs fois et personne n'a répondu. Où étais-tu, avec qui? Je suis vraiment très satisfait de ce jeune artisan. Il est de la pâte dont on fait les grands verriers. Comme il est ennuyeux, Alain. Je ne peux rien faire sans lui. C'est vrai, il ne me quitte pas d'une semelle, même lorsque je vais chez le dentiste ou chez le coiffeur. Je n'en peux plus. Conversation. Vendre mes chefs-d'œuvre. Je resterais des heures entières à regarder ce potier, si je pouvais. Il est d'une habileté extraordinaire. Tu as vu comme le vase prend forme entre ses mains? Pour moi, c'est un artiste. C'est évident. Il y a quelque chose de magique dans ses gestes. C'est vrai. On dirait que la terre, on dirait que l'argile obéit au moindre mouvement de ses doigts. Si je pouvais changer de métier et devenir potier, moi aussi. C'est bien plus qu'un métier, c'est une passion. Et puis, il faut avoir du talent, beaucoup de talent. Tout le monde ne peut pas réaliser des objets aussi beaux. On pourrait acheter un tour, un peu d'argile et essayer à la maison. Ce serait merveilleux. On ferait des vases, des plats, des pots, et des tasses, des bols, des amphores. Oui, mais il faut de la place pour tout ça. On pourrait offrir nos objets aux amis. Ou les vendre. Les vendre? À qui? Je ne sais pas, moi. On pourrait toujours publier des petites annonces dans les journaux. Non. Ce n'est pas une bonne idée? Si, mais je n'ai pas du tout l'intention de vendre mes chefs-d'œuvre. Les offrir, oui, aux gens que j'aime. Mais les vendre à des inconnus qui les mettront dans leur maison, où je ne pourrai plus jamais les revoir, ça non. On ne pourra pas tout garder, tu sais. C'est impossible. Moi, je me suis toujours demandé comment les peintres ou les sculpteurs, ou même les artisans comme ce potier, pouvaient se séparer de leur création. Ça doit être terrible de jeter aux oubliettes une œuvre d'art avec laquelle tu as vécu plusieurs heures, plusieurs jours, et peut-être aussi plusieurs semaines. Il faut bien qu'ils vivent. Et puis, si tu les interroges, ils te répondront certainement que lorsqu'ils ont terminé une toile, une sculpture ou un vase, ils pensent déjà au prochain. Ce sont des artistes, ils ne s'arrêtent jamais. Je n'y avais jamais pensé. Chaque vase, chaque plat, chaque pot que réalise cet homme, c'est comme une porte qui s'ouvre sur un autre vase, un autre plat et un autre pot. Ce ne sont pas des collectionneurs, ce sont des créateurs. Et des magiciens. Je resterai des heures entières à regarder ce potier, si je pouvais. Il est d'une habileté extraordinaire. Tu as vu comme le vase prend forme entre ses mains? Pour moi, c'est un artiste. C'est évident. Il y a quelque chose de magique dans ses gestes. C'est vrai. On dirait que la terre, on dirait que l'argile obéit au moindre mouvement de ses doigts. Si je pouvais changer de métier et devenir potier, moi aussi. C'est bien plus qu'un métier. C'est une passion. Et puis, il faut avoir du talent, beaucoup de talent. Tout le monde ne peut pas réaliser des objets aussi beaux. On pourrait acheter un tour, un peu d'argile et essayer à la maison. Ce serait merveilleux. On ferait des vases, des plats, des pots. Et des tasses, des bols, des amphores. Oui, mais il faut de la place pour tout ça. On pourrait offrir nos objets aux amis? Ou les vendre? Les vendre? À qui? Je ne sais pas, moi. On pourrait toujours publier des petites annonces dans les journaux. Non. Ce n'est pas une bonne idée? Si, mais je n'ai pas du tout l'intention de vendre mes chefs-d'œuvre. Les offrir, oui, aux gens que j'aime, mais les vendre à des inconnus qui les mettront dans leur maison, où je ne pourrai plus jamais les revoir, ça non. On ne pourra pas tout garder, tu sais, c'est impossible. Moi, je me suis toujours demandé comment les peintres ou les sculpteurs, ou même les artisans comme ce potier, pouvaient se séparer de leur création. Ça doit être terrible de jeter aux oubliettes une œuvre d'art avec laquelle tu as vécu plusieurs heures, plusieurs jours et peut-être aussi plusieurs semaines. Il faut bien qu'ils vivent. Et puis, si tu les interroges, ils te répondront certainement que lorsqu'ils ont terminé une toile, une sculpture ou un vase, ils pensent déjà au prochain. Ce sont des artistes. Ils ne s'arrêtent jamais. Je n'y avais jamais pensé. Chaque vase, chaque plat, chaque pot que réalise cet homme, c'est comme une porte qui s'ouvre sur un autre vase, un autre plat et un autre pot. Ce ne sont pas des collectionneurs, ce sont des créateurs. Et des magiciens. tonneaux de première qualité. Bon, il va falloir penser aux tonneaux que nous devons construire pour les caves de champagne. Quand je pense que le meilleur champagne du monde remplira nos tonneaux, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très fier. Tu peux l'être. Pour le meilleur champagne, il faut les meilleurs tonneliers. Personne, pourtant, ne pense jamais à nous. Quand on débouche une bouteille, on parle de la champagne, des vignerons, du raisin, de l'année. Et personne ne se rend compte que sans nous, le champagne n'aurait pas le même bouquet, pas la même robe, et que sa fermentation dépend essentiellement de la qualité de notre travail. C'est vrai, c'est injuste. Nous avons quand même d'autres satisfactions. Nous ne devrions pas nous plaindre. Regarde comme ce bois est beau, comme il est sain et chaud. Et nous sommes les seuls à pouvoir transformer ces planches en tonneaux. En tonneaux de première qualité. La célébrité ne nous intéresse pas, tu as bien raison. Voyons, tous les outils sont devant nous. Oui, il ne manque rien. Alors, au travail. Bon, il va falloir penser aux tonneaux que nous devons construire pour les caves de champagne. Quand je pense que le meilleur champagne du monde remplira nos tonneaux, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très fier. Tu peux l'être. Pour le meilleur champagne, il faut les meilleurs tonneliers. Personne, pourtant, ne pense jamais à nous. Quand on débouche une bouteille, on parle de la champagne, des vignerons, du raisin, de l'année. Et personne ne se rend compte que sans nous, le champagne n'aurait pas le même bouquet, pas la même robe, et que sa fermentation dépend essentiellement de la qualité de notre travail. C'est vrai, c'est injuste. Nous avons quand même d'autres satisfactions. Nous ne devrions pas nous plaindre. Regarde comme ce bois est beau, comme il est sain et chaud. Et nous sommes les seuls à pouvoir transformer ces planches en tonneaux. En tonneaux de première qualité. La célébrité ne nous intéresse pas, tu as bien raison. Voyons, tous les outils sont devant nous. Oui, il ne manque rien. Alors, au travail.